Chapitre 14. Évrard, épuisé par 3 jours de marche et par les cruelles émotions de la veille, ne s'éveilla que tard le lendemain. Le soleil était déjà haut sur l'horizon, les oiseaux chantaient à plein gosier. Tout était lumière et joie. Pourtant, dans le bel azur du ciel, un nuage noir du côté du nord se formait lentement. Évrard embrassait des yeux ce beau ciel, puis de temps en temps son regard se portait sur ce nuage. « Voilà, disait-il, le symbole de ma destinée. Heureuse et calme aujourd'hui, puisque ma mère ne m'en veut pas, mais inquiète et troublée demain. Demain, où serai-je? Je ne veux plus rester au château d'Epstein, où mon père me recevrait plus mal qu'un mendiant. Je ne puis retourner maintenant à la chaumière où Rosemonde me remplace, et où, je ne sais par quel instinct, je tremble de me rencontrer avec elle. Que ferai-je donc? Quel refuge me reste-t-il? Vous seule, ma mère !» L'enfant laissa tomber sa tête dans ses mains et rêva. Il ne pleurait plus, mais il était sérieux. Mille projets et mille pensées se combattaient dans son esprit. Il crut enfin avoir pris une résolution ferme et se leva en disant « Allons, c'est cela, pas de faiblesse. Le seul parti qui me reste, c'est de rejoindre mon oncle Conrad. Comment ferai-je, seul et sans ressources? Je ne sais pas, mais j'irai. Je laisserai tout à fait le pays que j'ai quitté pour la première fois il y a 8 jours. La providence de tous, Dieu et ma providence à moi, ma mère, ne me manqueront pas. Avec leur aide, je serai fort et courageux, je l'espère. Et si après tout, quelque obstacle insurmontable m'arrête, si quelque événement imprévu me dérange, si je suis obligé de revenir sur mes pas et de renoncer à mon dessein, c'est que Dieu et ma mère le voudront ainsi, et je me soumettrai. Je fais ce qui me semble juste, qu'ils fassent de moi ce qu'il leur paraîtra bon. Je règle ma conduite comme je peux, qu'ils mènent ma destinée où ils veulent. » Les apprêts d'Évrard n'étaient pas longs à faire. Il portait avec lui toute sa fortune, tout son avenir. Il n'avait qu'à prendre un bâton et à se mettre en route. Mais avant de partir, avant d'abandonner sa chère forêt, sa vallée, sa grotte, il se jeta à genoux et adressa à sa mère une prière fervente. Il se releva content et ferme, et sans vouloir trop raisonner, sans se permettre de trop réfléchir, il se mit bravement à monter la colline pour regagner la route qui devait le conduire à Mayence. Il pouvait être midi à peu près quand il atteignit le grand chemin bordé d'ormes que côtoyait la forêt d'un côté et de l'autre la vallée du Main et la route de France. Il allait donc quitter pour toujours le château natal et la forêt nourricière. Au premier détour de la descente, il serait presque en pays étranger. Une fois encore, avant d'y arriver, il se retourna pour donner un dernier regard, un dernier adieu aux maisons çà et là éparses d'Epstein. Oui, Évrard avait eu raison de faire dans ses projets la part de la Providence et de ne pas toucher à son rôle sacré. Car, en jetant un dernier coup d'œil sur la montée qu'une minute après il n'allait plus apercevoir, le jeune homme vit précisément déboucher d'un sentier de la forêt le garde-chasse Jonatas, son fusil sous le bras, et tenant de l'autre main par la bride son petit cheval sur lequel Rosemonde riante était fièrement assise. Le groupe du père et de la fille se dessinait vivement sur le fond du ciel bleu et des arbres verts. Notre voyageur, qui n'avait plus, se disait-il, qu'un regard à jeter sur sa terre natale, resta là immobile, à contempler Jonatas et Rosemonde, comme s'il les voyait dans un rêve, et comme si les amis qui s'avançaient de son côté n'allaient pas finir par l'apercevoir lui-même. Il demeurait sans bouger, les regardant venir de loin, Avec eux lui apparaissait une toute autre vie que celle qu'il projetait l'instant d'auparavant. Qu'Évrard dût passer sur la route 5 minutes plus tôt ou 5 minutes plus tard, et tout son avenir était changé. Mais avant que le bon Jonathas aux cheveux gris et la belle Rosemonde aux touffes blondes atteignent Évrard, plongeons dans la vie de la jeune fille, interrogeons les doux secrets de son cœur et de sa pensée. Le double caractère de toute son enfance écoulée au couvent du Tilleul sacré avait été la pénétration de l'esprit et la pureté de l'âme. Rosemonde, chose rare, revenait à Epstein très instruite et très innocente. Langue, histoire, musique, elle avait étudié toutes choses avec ardeur, mais le mal, elle l'ignorait. Dans sa merveilleuse aptitude à tout apprendre, à tout concevoir, elle n'avait cependant jamais pu comprendre le vice. À 15 ans, femme par la pensée, elle était restée enfant par le cœur. Au reste, bien peu d'événements avaient jusqu'à ce jour rempli son existence. Des études ardentes et de vives amitiés, voilà tout. Beaucoup de sentiments et d'idées, peu de faits. Parmi toutes ses compagnes, et ses compagnes étaient les plus riches et les plus nobles héritières de la vieille Autriche, elle avait toujours été la première par l'intelligence et, chose rare, la plus aimée. Elle se faisait pardonner sa supériorité à force de douceur. Ses amies et toutes les pensionnaires l'étaient ou cherchaient à l'être, la consultaient, la respectaient, cédaient à son ascendant, et cela sans envie. Elle était la reine, digne, bonne et gracieuse, de ce peuple frais et charmant, et avec cela chérie de ses maîtresses qui la regardaient comme une des leurs. Aussi, lorsqu'elle partit, ce fut parmi les religieuses et parmi les élèves un véritable désespoir. On n'avait plus d'ailleurs grand-chose à lui enseigner au couvent du Tilleul sacré, et c'était elle qui enseignait les autres. À 15 ans, la curiosité de son esprit avait été si avant dans l'étude que l'étude n'avait plus de mystère pour elle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, sa grâce et sa modestie n'en avaient pas été le moins du monde altérées. C'est sans affectation et avec la plus parfaite simplicité qu'elle eût pu dire à grands traits, ce qui fait supposer qu'elle l'eût dit en détail, l'histoire des nations et des individus. C'est avec un enthousiasme sincère, avec une vivacité sentie, qu'elle parlait de Corneille ou de Klopstock, de Goethe ou de Shakespeare. Musicienne, elle n'entrait pas moins avant dans le génie de Gluck ou de Palestrina, de Mozart ou de Paisiello, et, croyez-le bien, cette vive perception poétique, cette précoce intelligence musicale ne l'empêchait point de sauter à la corde à merveille et de jouer au volant dans la perfection. Autant les religieuses la voyaient grave et pensive sur les bancs de la salle d'études, autant ses amies la trouvaient folle et rieuse sous les grands marronniers du jardin. C'était ce charmant mélange de gaieté expansive et d'application réfléchie qui la faisait à la fois chérir et respecter de toutes. Parmi toutes ses amies, et nous l'avons dit, Rosemonde avait pour amie depuis la première jusqu'à la dernière pensionnaire du couvent, parmi toutes ses amies, celle que Rosemonde préférait, c'était la fille d'un ancien ambassadeur près de la cour d'Angleterre, retirée depuis quelques années des intrigues de la diplomatie. Lucille de Gansberg avait pour mère une Anglaise. Il en résulta que Lucille, dont l'anglais était la langue maternelle, apprit, comme en jouant, cette langue à sa compagne inséparable, sans compter que, plus d'une fois, la fille du grand seigneur emmena chez elle la fille du garde-chasse. Rosemonde devina ainsi par échapper un peu de la vie du monde, mais elle rentrait toujours au couvent sans que la paix de son noble cœur fût troublée. Elle ne voyait le monde et n'en était vue qu'à travers le voile de sa pureté. Tels furent les événements de cette simple et tranquille existence. Nous en omettons un, cependant, qui préoccupa plus peut-être les deux jeunes têtes de Rosemonde et de Lucile que tous les fades compliments des seigneurs de la cour de Vienne. Ce fut une lecture de Roméo et Juliette faite à la sourdine sous une tonnelle de chèvrefeuilles. Cette ardente et pure poésie de l'amour emporta les deux anges terrestres dans un monde idéal plus dangereux mille fois que le monde réel. La passion que Shakespeare a su peindre si puissamment laissa les deux sœurs toutes rêveuses et toutes troublées. Mais l'innocente folie de leurs 15 ans l'eut bientôt emportée sur la rêverie de leur cœur. L'âme chaste et pure de Rosemonde s'éveilla la première de ce périlleux songe. Et cette vague révélation de l'amour fut la seule ombre qui se mêla au rayonnement de ces deux aurores. Quand Rosemonde dut partir avec son père, quitter son couvent, ses amitiés, quand les deux inséparables furent sur le point de se séparer, on conçoit quelle fut leur douleur. Ces regrets, du reste, nous le répétons, tous ceux qui connaissaient Rosemonde les partageaient. On la fêtait, on l'embrassait, on la pleurait. « Nous vous aimerons toujours, » lui disait-on de toutes parts. « Nous penserons sans cesse à vous. » Hélas, maintenant, qui nous réconciliera? Qui nous conseillera? Qui sollicitera pour nous le pardon des sœurs? Notre ange gardien nous quitte, notre guide s'en va. Et c'était alors 1000 protestations, 1000 présents, 1000 caresses. On voulait la garder au moins encore quelques jours. On ne pouvait se résoudre à la quitter si subitement. Telle fut la cause qui retint Jonathas à Vienne plus longtemps qu'il n'eût voulu. Les supérieures et les religieuses n'étaient pas moins tristes que les élèves. « Si loin de nous, plus tard, vous n'étiez pas heureuse, » dirent-elles à Rosemonde en la quittant, « revenez au tilleul sacré. Vous trouverez toujours votre place au dortoir et aux classes, et notre affection maternelle dans nos cœurs. »« Merci, mes bonnes mères, merci, » répondait Rosemonde en pleurant. « Oh, certes, si mon père n'était pas seul, si mon grand-père mourant ne me redemandait pas, si je n'avais pas un frère qui m'attend, je ne vous quitterais jamais. Il me semble que je vais laisser ici tout le calme et toute la joie de ma vie. Si un jour je souffrais, ou si un jour je n'étais plus nécessaire à personne, oh, certes, je reviendrais, et quelque chose, hélas, mes bonnes mères, me dit que je reviendrais. » Cependant, il fallait partir. L'aïeul qui se mourait n'avait pas le temps d'attendre. Il fallait quitter le couvent, les religieuses, les compagnes. Il fallait quitter Lucile. Après s'être 100 fois embrassés, s'être promis de s'écrire, les deux amis se dirent un dernier adieu. Mais, comme souvenir, Lucile exigea que Rosemonde emportât une petite bibliothèque de merisier pleine de leurs auteurs chéris, et une édition anglaise de Shakespeare se cacha dans un coin. « En lisant nos grands poètes, lui dit Lucile, tu te rappelleras, Rosemonde, les jours où nous les lisions ensemble, et celles qui les lisaient avec toi. Adieu, ma sœur chérie, adieu, au revoir peut-être. » Et la lourde porte du couvent se referma derrière Rosemonde. « Se rouvrira-t-elle jamais pour moi ?» disait la jeune fille en s'éloignant pensive aux bras de son père. « Reverrai-je ces murs paisibles, ces bonnes religieuses, mes chers amis ? Oh, je n'ose dire Dieu le veuille, j'étais heureuse là, parce que j'étais jeune. Je n'y rentrerai que parce que j'aurais souffert, et quand nos joies deviennent nos consolations, elles sont presque douloureuses. » Quand notre paradis devient notre refuge, il est presque triste. Ainsi donc, Douni de mon enfance, plaise au Seigneur que je ne te revoie jamais. Bientôt, cependant, le mouvement du voyage, la nouveauté des impressions, réussirent à distraire un peu Rosemonde. Silencieuse d'abord, elle répondit bientôt à Jonathas. Enfin, au bout de 2 jours de route, c'est elle qui l'interrogeait sur Epstein, sur la vie qu'on y menait et sur ceux qu'elle allait y voir. Le bonhomme Jonatas ne demandait pas mieux que de satisfaire sur tous les points la curiosité de sa fille chérie. Il avait été un peu jaloux des regrets de Rosemonde, le pauvre père. Il lui dit non pas combien elle allait être heureuse, mais combien elle allait être aimée, qu'elle serait d'abord tout son orgueil et tout son bonheur à lui, et puis qu'elle se retrouverait chez elle libre et maîtresse comme autrefois quand elle était petite et que sa mère la gâtait tant. Il lui parla alors du jeune hôte qu'elle allait revoir, d'Evrard, qui l'attendait avec tant d'impatience et qui était si simple, si triste et si bon. C'était chose inutile. Quand Rosemonde aurait pu oublier le blond compagnon de son enfance, les lettres fraternelles qu'elle avait reçues de lui l'auraient rappelée à son souvenir. Mais elle avait la mémoire du cœur et pensait souvent à Evrard, orphelin comme elle, né le même jour qu'elle. Il était de son âge, il était abandonné et malheureux. Une douce pitié se mêla donc dans le cœur de Rosemonde à l'affection qu'elle lui avait conservée. Elle le consolerait, elle remplirait sa solitude. Elle pressa de questions Jonatas sur le compte du jeune homme, et toutes les réponses de Jonatas lui montrèrent notre rêveur poétique et charmant. Elle eut hâte alors de le voir, sans s'expliquer son impatience. D'ailleurs, elle se fût interrogée, la chaste jeune fille, que cette impatience lui eût paru toute naturelle. Evrard était son frère, Evrard avait été nourri du même lait qu'elle, Evrard avait été élevé avec elle, traité comme elle par sa mère. Evrard était le fils de sa bienfaitrice, le fils d'Albine, dont le souvenir était toujours vivant au tilleul sacré. Evrard, enfin, par sa naissance, par son éducation sans doute, allait être la seule personne qui la comprit, avec qui elle put parler, non seulement de cœur à cœur, mais encore d'esprit à esprit. Son père lui disait qu'il était simple et excellent. Elle ne demanda point s'il était spirituel et instruit. Cela allait de soi-même dans son rêve. L'essentiel était qu'il ne fût pas fier et méprisant. Quant à la distance qui les séparait, est-ce que leur douleur commune ne l'effaçait pas? Et puis, je vous demande si c'est à cela que l'on pense à 15 ans. Rosemonde, la belle et chaste enfant, rêva donc sans scrupule et en toute innocence à celui qu'elle nommait tout bas son frère. Elle appela de tous ses désirs l'instant où elle pourrait tendre la main à Evrard et lui conter les 1000 choses qu'elle avait à lui dire. Devons-nous ajouter que l'espoir de retrouver son jeune ami compensait presque, dans le cœur de Rosemonde, la douleur que devait y réveiller la pensée de la mort prochaine de son grand-père. Au reste, pourquoi ne l'avouerions-nous pas? Cet égoïste oubli de la jeunesse, qui ne voit qu'elle au monde et n'aime à regarder qu'en avant, est si naturel, nous allons dire si charmant, qu'on le lui pardonne et qu'on s'en fait volontiers le complice. Qu'elle néglige le passé, qu'elle ne se soucie pas d'hier. C'est tout simple. Son royaume à elle, c'est demain, c'est l'avenir. Nous savons l'arrivée de Rosemonde à Epstein et sa première entrevue avec Evrard. Il n'était pas seulement modeste, il était timide. Non seulement il ne se montrait pas orgueilleux, mais il avait peur. Cette douceur et cet embarras n'allaient pas mal à la tournure d'esprit ferme et sérieuse de Rosemonde. Ce qu'elle méprisait le plus, c'était l'impertinence et les grands airs. Mais son bonheur se changea en tristesse lorsqu'elle vit qu'Evrard allait jusqu'à l'éviter. Ne la devinait-il donc pas? Lorsqu'il partit avec son oncle Conrad, sans presque la regarder, elle eut peine à retenir ses larmes. Elle se trouvait froissée dans la sympathie qu'elle avait tout d'abord éprouvée pour cette nature tendre et mélancolique. Il semblait à Rosemonde qu'elle eût pu aider, soutenir Evrard, et elle souffrait de renoncer à ce doux rôle de sœur aimée qu'elle eût si bien rempli. Cette froideur qu'elle n'avait pas méritée lui brisait l'âme. Que devait-elle donc faire pour ramener Evrard qui semblait s'éloigner d'elle? Durant tout le temps de son absence, elle fut inquiète, préoccupée. Cependant, son père l'entourait de soins, de distractions, de tendresse. Tous les matins, bon gré mal gré, il fallait qu'elle montât à cheval, qu'elle visitât avec lui une partie de la forêt, son royaume, et Jonathas était heureux quand il pouvait la faire sourire et lui arracher une exclamation de surprise, d'admiration ou de joie. Il lui parlait aussi tant qu'il pouvait d'Evrard, car il s'était bien aperçu que ce sujet de conversation plaisait à sa fille et que, quand ils causaient ensemble de l'absent, les couleurs montaient aux joues de la jeune fille et la flamme à ses yeux. Mais nous en savons assez sur Rosemonde. D'ailleurs, elle a eu le temps de rejoindre Evrard, que nous avons laissé immobile et muet au pied d'un arbre, regardant venir la jeune fille comme une apparition. Retournons donc à eux. Nous les retrouverons ensemble.